camouflage, that you know how it is, you know, bilingual flow. You can't see me, nigga. Mon père me disait, est-ce qu'il mérite des faits, mérite des bienfaits. C'est un fait aujourd'hui que je l'ai fait, je sais que c'est vrai. Nos études m'aigrées à rapper, s'il te plaît. Prends le temps d'écrire des décrets, ce qui est vrai. Choisis consciemment tes sujets. Et pas peur d'ouvrir les plaies, parce qu'il mérite des faits, mérite des bienfaits. Et anyway, tant qu'à écrire des déchets, t'es aussi bien écrit, c'est vrai. Comme ça, les amis vont rester tes ennemis, ta famille, puis aux yeux de Dieu, tu vas être précieux. So let's push for a mic for boss cats on the streets like that. Cause I be slick like a cat, don't try back up the clock. If you stayed on my block, longueuil, longueuil, that's my block, nigga, talk that. Ce qui mérite des faits, mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite des faits, mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Y'en a qui font la musique pour avoir du cash. C'est illogique, non logique, comme un alcoolique chronique. Une fois sous, qui veut causer dans le trafic. Dégage, panique. C'est une vraie qui veut faire du cash avec la musique. Mais le bel comique, c'est quoi du cash? Elle devrait te vendre du ton à mon diable. C'est rien, crétin, tu sors. Des cendres, des déchets toxiques comme les BPC. Qui étaient stockés à Saint-Basé, t'es inutile le débile. Quand t'écris, tu dois être agile, fertile. Avec du style, mirror. Comme ça, ton nom va se remplir. Aussi longtemps que ce tu vas dire, va servir, être utile, va faire sourire, peut-être t'aider à survivre. C'est drôle à dire, mais si tes textes sont vrais, ils pourront peut-être un jour servir à quelqu'un qui a envie de mourir. Cause that's the facts in black. Don't try to pull the lock like that. Cause I hold the stack. Who got the cash in the spot? Now break yourself. Pull the money in the well. I'm on the clock. And the money at your man's spot. Don't try to play yourself. Now break yourself. And never trying to play this light skin pimp. I guess I'm walking with a limp. I guess I'm a pimp. So don't try to break yourself. Boom, no front. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant, je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant, je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Néglige rien, oublie rien, analyse bien chaque mot, chaque refrain. Avec entrain, car pour certains gamins, t'es pas humain, t'es leur idole, un symbole, apologue, une parabole en qui ils se voient, en qui ils croient. C'est pour ça que tu peux pas te prendre pour un dieu. Puis glorifier les armes à feu, c'est trop dangereux. Risquer, c'est jouer avec le feu. Puis dis ce que tu veux. Mais si tu glorifies la violence, les jours de force et d'âme violente dans tes textes, ça sent que c'est négatif, check le négatif. Vaut mieux que tu fasses tes vœux naïfs. Passe-moi faire un aveu, tôt ou tard, il faut que tu fasses face à Dieu. Fait que ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Tu reviens avec des textes précieux qui rendront pas Dieu nerveux, mais joyeux et sois heureux. I used to wear goose, play loose, wear boots. Sturdy loose, turbo boots on any troop. Have loot, mad G's will go troop. Ready to rally troop troops. But now a kid, I got the bilingual flow. And when it comes to freestyle, then you style, you know. You can't never see me, don't try to play me. I open up your score like the cast to beat the Damon. And on the rail, I still get you, baby. And gash the clock and rinse the hip-hop. I'm on a leg three shot, piece the hip-hop. And get cool on get mama on toy cop. Niggas all over the world, I'm fed up. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant, je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant, je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Pis si quelqu'un peut pas faire du freestyle comme je fais, ben il fait pas ce qu'il devrait faire. Pourquoi, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Mais les freestyles et les méfaits. Ok, c'est mon Peter Wildchild, represents Young Line Production. Do or Die Records. Records. Done beat. I cut it.